Chapitre 16e, Chagrin. Une semaine se passa. Jane avait en quelque sorte organisé ses plans. Par la vente de la montre, de ses quelques bijoux et du peu d'argenterie qu'elle possédait, elle avait pu payer les frais des funérailles et quelques petites dettes. Il lui restait de quoi subvenir aux premiers besoins du moment. Le dernier jour de la semaine, elle reçut la réclamation du loyer. Un jeune homme de 19 à 20 ans, à la tournure élégante, vint le lui demander de la part de M. Dare. Jane lui répondit qu'elle ne pouvait payer pour le moment, mais qu'elle écrirait à M. Dare. Sur quoi le monsieur, dont les manières avaient quelque chose de hautain et de dédaigneux, tourna sur ses talons et quitta la maison sans saluer. Comme il ouvrait le portail, Patience, revenant du marché, un panier à la main, le rencontra. « Comment te portes-tu ? » lui demanda-t-elle en guise de salutation. L'étranger ne daigna répondre qu'en levant le menton encore plus haut. « Savez-vous qui est ce jeune homme ?» demanda Jane. « Sans doute, c'est le jeune Anthony Dare. Il n'est guère poli. Non, surtout avec nous. Il n'y a pas dans la ville de jeune homme plus arrogant, mais on ne fait pas l'éloge de sa vie privée. » Jane s'assit pour écrire à M. Dare. Son frère Francis, auquel elle avait fait part de sa situation, lui avait promis le loyer arriéré, 400 francs, pour le milieu de février. Il ne pouvait le lui envoyer auparavant, mais elle pouvait y compter pour ce moment-là. Elle priait M. Dare de vouloir bien attendre encore quelques semaines. Le lundi suivant, tout était prêt à être loué, et Jane attendait les locataires. Le meilleur salon et les deux plus belles chambres avaient été évacués. Jane couchait avec sa petite fille et les trois garçons avaient été installés dans le grenier. Le cabinet d'études devait servir de salon et de salle à manger, et sur une pancarte suspendue à la fenêtre, on pouvait lire ces mots « logement à louer ». Le terme moderne « appartement à louer » n'avait pas encore été importé à Helstonleigh. Patience entra après le déjeuner, donna la main un coupon de mérinos gris. « Aimerais-tu faire une robe à Anna ?» demanda-t-elle à Madame Halliburton. « Sarah Locke lui fait ses robes habituellement, car c'est un ouvrage auquel je ne suis pas forte. Mais Sarah m'a fait dire qu'elle avait trop de travail cette semaine. Je t'ai entendu dire que tu faisais les fourreaux de Jenny. Si tu veux faire celui-là, je te donnerai 3 francs. C'est ce que je donne ordinairement à Sarah. » Jane prit le mérinos avec reconnaissance. C'était un rayon d'espoir qui venait éclairer son cœur. L'ouvrage qu'elle désirait en trouver était venu, et elle allait gagner 3 francs. Peut-être souriez-vous à Louis d'une pareille somme. Ah, vous n'avez jamais su ce que c'est que d'avoir besoin de 3 francs. Jane coupa le patron et se mit aussitôt à l'ouvrage. Les enfants assis autour de la table étudiaient leur leçon. Il me reste 72 francs, se disait-elle. M'en voilà 75. Combien de temps pourrons-nous vivre là-dessus? Nous avons de bons habits, et pour le moment les souliers des garçons ne sont pas troués. Comme j'aurais pris le loyer par Francis, si je puis louer mes chambres, je n'aurai à dépenser que pour la nourriture. Il faudra bien économiser. Nous pouvons nous contenter de pain, de pommes de terre et de lait jusqu'à ce que nous voyons un peu plus clair dans notre situation. Je voudrais savoir si avec 6 francs par semaine pour la nourriture et le charbon, je... Jane fut interrompue dans ses calculs. Le portail s'était ouvert et 2 hommes frappaient à la porte. Ils avaient marché si vite que Jane n'avait pu les distinguer. « Va voir qui c'est, William, s'il te plaît. » Elle entendit qu'on la demandait. Posant son ouvrage et secouant les fils blancs épars sur sa robe noire, elle alla vers eux. William retourna à son ouvrage. Les visiteurs étaient debout dans le corridor. L'un avait l'air poli, l'autre avait la tournure vulgaire et grossière. Le premier réclama le loyer. Jane répondit qu'il avait écrit le samedi précédent à M. Dare en expliquant les choses et le priant d'attendre encore un peu. « M. Dare ne peut pas attendre, madame, » répondit toujours poliment l'interlocuteur. « Vous me permettrez de vous faire remarquer que vous êtes étrangère dans la ville, que vous n'avez pas payé votre loyer depuis votre arrivée, que nous avons cru que l'on ne payait que par semestre, puisque M. Dare ne nous a rien demandé à la Saint-Michel, » interrompit Jane. « Nous l'aurions payé alors, s'il nous l'avait demandé. En tout cas, vous ne l'avez pas fait. Je suis fâchée, madame, de me voir dans l'obligation de laisser cet homme ici jusqu'à ce que vous ayez payé. » Les 2 étrangers entrèrent dans la chambre. Jane, désespérée, comprit qu'on venait d'apposer la saisie sur sa maison. Elle restait immobile, quand Patience arrivant, comme elle le faisait toujours, par la porte du fond, aperçut les inconnus. Elle attira Jane dans la cuisine. « Qu'est-ce que cet homme fait ici ? lui demanda-t-elle. Pour toute réponse, Jane se laissa tomber sur une chaise et se mit à sangloter si violemment que la calme Corcoran la regarda surprise et se hâta de fermer la porte. « Doucement, tais-toi, tais-toi. Tes enfants vont t'entendre et auront peur. Es-tu en arrière de tes contributions ?» Jane ne pouvait répondre. « Ce n'est pas cela, » dit-elle à la fin. « Nos contributions sont payées. C'est M. Dare qui nous a envoyé cet homme. » Patience écoutait la nouvelle avec étonnement. « Mais non, tu es dans l'erreur. Thomas Ashley ne ferait pas une chose pareille. Il l'a fait, » sanglota Jane. « Cela ne s'accorde pas avec son caractère. C'est un homme si pacifique. Je te plains beaucoup. Cet homme n'est point un hôte agréable. Nous l'avons eu chez nous l'année passée. »« Vous ?» s'écria Jane, sa surprise surpassant son chagrin. « Vous ? On voulait nous forcer à payer certaines taxes d'église, » expliqua Patience. « Nous avions des scrupules sur la justice de cette réclamation. Samuel Lynn avait toujours payé, mais l'année dernière, lui et d'autres amis décidèrent de s'y opposer. En conséquence, on nous envoyait l'homme que tu as là chez toi. La somme réclamée s'éleva à une trentaine de francs et on nous enleva pour les vendre des marchandises presque neuves qui valaient au moins 250 francs. « Oh, Patience, dis-moi ce que je dois faire, » dit Jane, en revenant à ses propres inquiétudes. « Si nous sommes chassés et que l'on vend notre mobilier, nous devons aller à l'hôpital. Nous ne pouvons coucher dans la rue. » « Je ne sais que te conseiller. Ne ferais-tu pas bien d'aller voir Anthony Dare et de chercher à lui persuader d'ôter la saisie et d'attendre ?»« J'y vais tout de suite, » dit fiévreusement Jane. « Vous permettra Jenny de rester avec vous, Patience ?»« Naturellement, elle. » En cet instant, les enfants l'un après l'autre entrèrent dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce que ce vilain homme vient faire dans le salon ? Il s'est assis devant le feu et il renverse tout, et l'autre examine les chaises et les tables. » C'était Frank, l'impétueux Frank qui parlait. Madame Halliburton jeta autour d'elle un regard désespéré et Patience leur dit. « Cet homme ici pourra faire. Vous ne devez pas être malhonnête envers lui, ou bien il le sera 10 fois plus. L'autre s'en ira bientôt. Votre mère va s'absenter pendant 1 heure, peut-être qu'en revenant, elle vous en délivrera. Jenny, mon enfant, tu peux venir avec moi et dîner avec Anna. » Madame Halliburton attendit que le premier des deux émissaires se fût éloigné, puis elle partit. Le jour était froid et brumeux. Tout lui paraissait sombre et noir à l'extérieur comme à l'intérieur, pendant qu'elle se dirigeait vers le bureau de M. Dare, que Patience lui avait indiqué. Arrivée devant la maison, elle frappa la porte d'un corridor. « Entrez !» 3 ou 4 clercs occupaient la pièce d'entrée. Elle reconnut dans l'un celui qui venait de quitter sa maison. Les autres paraissaient lui obéir et l'appelaient M. Stubbs. Jane se nomma et dit qu'elle désirait parler à M. Dare. Sa requête fut transmise dans une chambre intérieure. Le jeune Anthony Dare en sortit. « Mon père est occupé et ne peut pas vous voir, » dit-il à Jane. « Je puis parfaitement entendre ce que vous avez à lui communiquer. Cela reviendra au même. »« Merci, » répondit Jane d'un ton poli bien différent du sien. « Mais je préférerais voir M. Dare lui-même. « Il est occupé, vous dis-je, » répéta rudement Anthony. « Alors j'attendrai, il faut que je le voie. » Anthony retourna sur ses pas. Jane voyait une banquette adossée au mur s'assit. Il était 12h30 lorsqu'elle était arrivée. Quand l'horloge sonna 2 heures, elle était encore là. Plusieurs clients pendant ce temps avaient été admis près de M. Dare. Elle seule était négligée. À 2 heures, Anthony sortit, le chapeau sur la tête. « Comment, vous êtes encore ici ?» s'écria-t-il avec une surprise affectée et sans ôter son chapeau, lui qui n'avait pas de plus grand plaisir que d'entendre dire qu'il était le cavalier le plus accompli de Helstonleigh. « Je vous répète qu'il est parfaitement inutile que vous attendiez. M. Dare ne pourra pas vous voir. »« M. Dare pourra certainement m'accorder un instant quand il aura fini avec les autres. Il ne peut pas aujourd'hui. Ne pouvez-vous pas me dire ce que vous lui voulez ? Il faut absolument que je voie M. Dare lui-même. Si vous le permettez, j'attendrai encore. » Anthony ne daigna pas répondre et partit. Un ou deux clercs regardaient. Il ne comprenait pas pourquoi elle persistait à rester, ni pourquoi M. Dare refusait de la voir. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit. Un homme de haute taille, à l'air brusque et hardi, regarda dans la chambre. Jane se leva. « Vous êtes sans doute M. Dare ?» lui dit-elle. « Voulez-vous m'accorder quelques minutes d'entretien ?» Il éleva ses 2 mains comme pour se garantir. « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps » répéta-t-il, et lui ferma la porte au nez. Jane se rassit. « Stubbs, j'ai besoin de vous !» appela M. Dare en entrebâillant la porte. Stubbs entra, resta quelques minutes, revint, prit son chapeau et sortit. Son départ fut le signal d'un relâchement considérable. « Quand les chats sont partis, vous savez la fin du proverbe. » Les jeunes clercs se mirent à bâiller, à s'étirer, à chuchoter, à rire. L'un d'eux sortit de sa poche un paquet de biscuits et les grignota. Un autre prit une bouteille et s'administra une partie du contenu. Tout à coup, le jeune homme aux biscuits quitta son tabouret et vint les offrir à Madame Halliburton. « Vous avez attendu bien longtemps, madame, et peut-être avez-vous manqué votre dîner, » dit-il, Jane en priant. « Vous êtes bien bon, je vous remercie, » dit-elle faiblement. Mais elle ne pouvait avaler une seule bouchée. Elle n'avait eu pour déjeuner qu'un morceau de pain et un peu de lait. Il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé suffisamment à aucun repas. Elle se sentait affaiblie, souffrante, l'anxiété lui desséchait la gorge et lui ôtait l'appétit. Elle tenait le biscuit sur ses genoux en dépit de ses efforts, ses larmes rebelles montaient. Elle baissa son voile et les laissa couler. Un pauvre ouvrier entra et déposa sur le pupitre 10 francs. « Je n'ai pu faire les 2 autres cette semaine, » dit-il d'une voix tremblante. « J'en apporterai 14 la semaine prochaine. Voulez-vous avoir la bonté de le dire à monsieur ?»« N'allez pas l'oublier, » répondit l'un des clercs, « ou bien vous savez ce qui s'en suivrait. » Le pauvre homme secoua la tête, sans doute il le savait. En sortant, il fut presque renversé par un beau garçon de 17 ans qui arrivait en courant. Sa figure, au trait régulier, portait malheureusement l'expression de hardiesse qui caractérisait celle de M. Dare. « Dites donc, le patron y est-il » cria-t-il Lord Allen. « Oui, monsieur, Lord Housecleigh est avec lui. »« Au diable, Lord Housecleigh, où est Stubbs? Il me faut mon argent de poche, je ne puis pas attendre. Où est donc Stubbs ?»« Stubbs est sorti, monsieur. »« Que c'est ennuyeux, bon. » « Voici l'argent. Qu'est-ce que c'est que ça » cria-t-il en apercevant les 10 francs. « C'est un loyer qu'on vient d'apporter, monsieur Harbert. »« C'est bien, » dit-il en glissant 6 pièces dans la poche de son gilet. « Dites à Stubbs qu'il l'inscrive sur mon compte. » Il partit. Jane restait assise, se demandant ce qu'elle devait faire. Il y avait guère de chance qu'elle fût admise près de monsieur Dare. Mais devait-elle donc retourner auprès de ses enfants et supporter la présence de l'hôte incommode et grossier qu'on lui imposait ? Non. Il fallait attendre encore, attendre jusqu'à la fin. Peut-être pourrait-elle lui dire un mot lorsqu'il partirait. Le bureau était éclairé quand Stubbs rentra. Un des clercs lui montra du bout de sa plume les 4 francs restants. « Kennersley a apporté 10 francs. Il en donnera 14 la semaine prochaine. Il n'a pu en avoir que 10 cette fois-ci. Mais je n'en vois que 4, » dit Stubbs. « Monsieur Herbert est venu. Il en a pris 6. Il a dit que vous l'inscriviez sur son compte. Il ira loin si on ne l'arrête. » dit cyniquement le premier clerc. En attendant, ça ne me regarde pas. Il mit l'argent dans son pupitre, l'inscrivit, puis alla auprès de M. Dare qui se trouvait seul en ce moment. M. Dare leva les yeux. Je n'ai rien pu en tirer, monsieur, dit Stubbs. Les autres ne veulent écouter aucune proposition. Ils prétendent vouloir aller auparavant à la chancellerie. Ils sont en rage. Allons donc, dit M. Dare. Ils chanteront une autre gamme dans 1 jour ou 2. Kennersley est-il venu? Oui, monsieur. Il a apporté 10 francs et en a promis 14 pour la semaine prochaine. M. Herbert en a emporté 6 et a fait dire que c'était pour son argent de semaine. Petit drôle, s'écria M. Dare en apostrophant son fils avec un certain orgueil. Je prends quand je peux. Voilà sa devise. Il fera un bon notaire, Stubbs. Je le crois, monsieur. Cette femme est-elle partie? Non, monsieur, j'imagine qu'elle restera ici jusqu'à ce qu'elle vous ait vu. Alors envoyez-la-moi tout de suite et finissons-en. Quelle était donc la cause de son refus? Avait-il peur qu'elle mît en avant leur lien de parenté pour implorer sa compassion? Dans ce cas, il dut être agréablement désappointé. Jane n'y fit pas la moindre allusion. Depuis sa visite à Madame Dare, 3 ou 4 mois auparavant, elle avait mis de côté tout souvenir de leur parenté. Ses enfants eux-mêmes l'ignoraient. Elle sollicitait simplement M. Dare d'avoir patience. « Nous serons ruinés, disait-elle. Nous devrons aller mendier dans les rues. « Monsieur Dare, je vous promets le loyer pour le milieu de février. Mon frère me l'enverra sans faute. »« Oh, vous pouvez bien m'accorder ces 2 semaines. »« Madame, je ne le puis pas. » »« C'est-à-dire, Monsieur Ashley ne le peut pas. » »« J'ai agi fort étourdiment en laissant s'écourir le loyer pendant 6 mois. »« D'autant plus que vous êtes étranger. »« Monsieur Ashley m'en voudra. »« Il y a suffisamment de meubles neufs dans mon appartement pour payer 3 fois ce qui vous est dû. »« C'est possible. » Les meubles qui valent 1 000 francs dans une maison n'en valent pas 100 à la vente. C'est une raison de plus pour que, ma bonne dame, interrompit-il impérieusement, une parole en vaut 1 000, et cette parole je l'ai dite, payez ou partez. Si vous payez, j'en serai très heureux. Vous resteriez ici toute la nuit, que je ne vous ferai pas d'autre réponse, et mon temps est précieux. Il regardait la porte en parlant. Jane comprit et sortit. Les rues étaient éclairées au gaz lorsqu'elle se retrouva dehors. Quand elle eut quitté la ville et qu'elle marcha sur la route solitaire où nul œil ne pouvait la voir, nulle oreille ne l'entendre, elle se mit à sangloter. Nul œil pour la voir, nulle oreille pour l'entendre. N'y avait-il donc pas l'œil toujours ouvert, l'oreille toujours attentive de celui qui veille toujours? Et comme Jane le suppliait du fond de son cœur, un rayon d'espoir vint réchauffer son cœur.